Chapitre 4. Premier revers. Ils m'ont entouré comme la bête et croient qu'on me prend au filet. Moi, je leur veux passer à travers ou dessus le ventre. Henri IV. Lettre à Monsieur le Bas, gouverneur de la ville d'Euse, en Armagnac, 11 mars 1586. Les jours qui suivirent cette mémorable victoire furent plus calmes. Le grand Lebrac et sa troupe, confiants dans leur succès, gardaient l'avantage, nantis de leurs lances de coudre pointusées au couteau et polies avec du verre, armés de sabres de bois avec une garde en fil de fer recouverte de ficelles de pain de sucre, poussaient des charges terribles qui faisaient frémir les vélerans et les ramenaient jusqu'à leur lisière parmi des grêles de cailloux. Migue la Lune, prudent, restait au dernier rang, et l'on ne fit pas de prisonniers, et il n'y eut pas de blessés. Cela eût pu durer longtemps ainsi. Malheureusement pour Langeverne, la classe du samedi matin fut désastreuse. Le grand Lebrac, qui s'était tout de même fourré dans la tête les multiples et les sous-multiples du maître, confiant dans la parole du père Simon, qui avait dit que quand on les savait pour une sorte de mesure, on les savait pour toutes, ne voulut pas entendre dire que le kilolitre et le myrialitre n'existaient point. Il emmêla si bien l'hectolitre et le double et le boisseau et la chopine, ses connaissances livresques avec son expérience personnelle, qu'il se vit fermement et sans espoir d'en réchapper, fourré en retenue de 4 à 5 d'abord, plus longtemps si c'était nécessaire, et s'il ne satisfaisait pas à toutes les exigences récitatoires du maître. Quel vieux salaud quand il s'y mettait tout de même que ce père Simon! Le malheur voulut que Tintin se trouvât exactement dans le même cas, ainsi que Grand Gibus et Boulot. Seul, Camus, qui y avait coupé, et Lacrique, qui savait toujours, restaient pour conduire ce soir-là la troupe de Langeverne, déjà réduite par l'absence de Gambette, qui n'était pas venue ce jour-là parce qu'il avait conduit leur cab au bouc, et de quelques autres obligés de rentrer à la maison pour préparer la toilette du lendemain. « Faudrait peut-être pas aller ce soir !» hasarda Lebrac, pensif. Camus bondit. « Pas aller ? Ben il l'a baillé belle, le général. Pour qui qu'on le prenait, lui, Camus ? Par exemple, qu'on allait passer pour couillon ?» Lebrac ébranlé se rendit à ses raisons et convint que, sitôt libérés avec Tintin, Boulot et Grand Gibus, et ils allaient s'y mettre d'attaque, ils se porteraient ensemble à leur poste de combat. Mais il était inquiet. Ça l'embêtait, na, que lui, chef, ne fût pas là pour diriger la manœuvre en un jour plutôt difficile. Camus le rassura, et après de brefs adieux, à 4 heures, fila, flanqué de ses guerriers, vers le terrain de combat. Tout de même, cette responsabilité nouvelle le rendait pensif, et préoccupé d'on ne sait quoi, le cœur peut-être étreint de sombres pressentiments, il ne songea point à faire se dissimuler ses hommes avant d'arriver à leur retranchement du gros buisson. Les vélerans, eux, étaient arrivés en avance. Surpris de ne rien voir, ils avaient chargé l'un d'eux, tout gueule, de grimper à son arbre pour se rendre compte de la situation. Tout gueule, de son foyard, vit la petite troupe qui s'avançait imprudemment dans le chemin, et une joie débordante et silencieuse, inondant tout son être, le fit se tortiller comme un goujon au bout d'une ligne. Immédiatement, il fit part à ses camarades de l'infériorité numérique de l'ennemi et de l'absence du grand Lebrac. L'Aztèque des Guets, qui ne demandait qu'à venger Migue la Lune, imagina aussitôt un plan d'attaque et il l'exposa. On allait d'abord faire semblant de rien, se battre comme d'habitude, s'avancer, puis reculer, puis avancer de nouveau jusqu'à mi-chemin, et après une feinte reculade, partir de nouveau tous ensemble, charger en masse, tomber en trompe sur le camp ennemi, cogner ceux qui résisteraient, faire prisonnier tous ceux qu'on attraperait et les ramener à la lisière où ils subiraient le sort des vaincus. Ainsi c'était bien compris. Quand il pousserait son cri de guerre « La mûrie vous crève !» tous s'élanceraient derrière lui, la trique au poing. Tougueul était à peine redescendu de son foyard que l'organe perçant de Camus, du centre du gros buisson, lançait le défi d'usage. « À cul les vélerans !» et que la bataille s'engageait dans les formes ordinaires. En tant que général, Camus aurait dû rester à terre et diriger ses troupes. Mais l'habitude, la sacrée habitude de monter à l'arbre, fit taire tous ses scrupules du commandant en chef, et il grimpa aux chaînes pour lancer de haut ses projectiles dans les rangs des adversaires. Installé dans une fourche soigneusement choisie et aménagée, commodément assis, il prenait la ligne de mire en tendant l'élastique, le cuir juste au milieu de la fourche, les bandes de caoutchouc bien égales, et lâchait le projectile qui partait en sifflant du côté de Vélerand, déchiquetant des feuilles ou cognant un tronc en faisant toc. Camus pensait qu'il lancerait ce jour-là comme des jours précédents, et ne se doutait que les autres tenteraient une attaque et pousseraient une charge puisque chaque engagement, depuis l'ouverture des hostilités, avait vu leur défaite ou leur reculade. Tout alla bien pendant une demi-heure, et le sentiment du devoir accompli, le souci d'un emploi judicieux de ses cailloux, le rassérénait. Lorsque, au cri de guerre de l'Aztèque, il vit la horde des vélerans chargeant son armée avec une telle vitesse, une telle ardeur, une telle impétuosité, une telle certitude de victoire qu'il en demeura abasourdi sur sa branche sans pouvoir proférer un mot. Ces guerriers, en entendant cette ruée formidable, en voyant ce brandissement d'épieux et de triques, effarés, démoralisés, trop peu nombreux, battirent en retraite aussitôt, et prenant leurs jambes à leur cou, s'enfuirent, leurs talons battant les fesses, à toute allure, dans la direction de la carrière à l'Augue, sans oser se retourner et croyant que toute l'armée ennemie leur arrivait dessus. Malgré sa supériorité numérique, la colonne des Vellerans, en arrivant au gros buisson, ralentit un peu son élan, craignant quelques projectiles désespérés. Mais ne recevant rien, elle s'engagea bravement sous le couvert et se mit à fouiller le camp. Hélas, on ne voyait rien, on ne trouvait personne, et l'Aztèque grommelait déjà, quand il dénicha Camus blotti dans son arbre, tel un écureuil surpris. Il eut un « Ha !» sonore de triomphe en l'apercevant, et tout en se félicitant intérieurement de ce que l'assaut n'eût pas été inutile, il somma immédiatement son prisonnier de descendre. Camus, qui savait le sort qui l'attendait s'il abandonnait son asile et avait encore quelques cailloux en poche, répondit par le mot de Cambronne à cette injonction injurieuse. Déjà il fouillait les poches de son pantalon, quand l'Aztèque, sans réitérer son invitation discourtoise, ordonna à ses hommes de lui descendre cet oiseau-là à coups de cailloux. Avant qu'il eût bandé sa fronde, une grêle terrible lapida Camus qui croisa ses bras sur sa figure, les mains sur les yeux pour se protéger. Beaucoup de Vellerans manquaient heureusement leur but, pressés qu'ils étaient de lancer leurs projectiles. Mais quelques-uns, mais trop, touchés. « Pan sur le dos, pan sur la gueule, pan sur la ratelle, pan sur l'orable, pan sur les guiboles, attrape encore celui-là, mon fils. Ah, t'y viendras, mon salaud !» disait l'Aztèque. Et de ce fait, le pauvre Camus n'avait pas assez de mains pour se protéger et se frotter, et il allait enfin se rendre à merci, quand le cri de guerre et le rugissement terrible de son chef, ramenant ses troupes au combat, le délivra comme par enchantement de cette terrible position. Lentement, il décroisa un bras, puis un autre, et se tâta, et regarda, et ce qu'il vit. Horreur, trois fois horreur. L'armée de Longeverne, essoufflée, arrivait au gros buisson, hurlante, avec Tintin et Grand Gibus, tandis qu'à la lisière les Vellerans, en troupeau, emmenaient, emportaient Lebrac prisonnier. « Lebrac, nom de Dieu, Lebrac » piailla-t-il. « Comment ça a pu se faire? Ah, bon Dieu, nom de Dieu, au nom de Dieu, de sang Dieu !» La malédiction désespérée de Camus eut un retentissement dans la bande de Longeverne arrivant à la rescousse. « Lebrac !» fit Tintin en écho. « Il n'est pas là ?» Et il expliqua. On arrivait au bas de la saute quand on a vu les nôtres qui s'en sauvaient, comme des lièvres. Alors il s'est lancé et leur a dit « Halte là! Où venez-vous? Et Camus ?»« Camus, qu'a fait je sais pas plus qui, il est sur son chêne. Et la crique? La crique, on ne sait pas. Et vous vous laissez comme ça, nom de Dieu? Prisonnier des Vellerans, vous n'en avez donc point? En avant, allez, en avant !» Alors il s'est lancé, et on est parti derrière, lui en hurlant. Mais il était en avance d'au moins 20 sauts, et à eux tous, ils l'auront sûrement pincé. Mais oui qu'il est chauffé, à nom de Dieu! Souffla Camus suffoqué, dégringolant de son chêne. « Il n'y a pas, faut le déprendre. Ils sont deux fois plus que nous !» remarqua l'un des fuyards rendu prudent. « Sûrement qu'il y en aura encore des chopés, c'est tout ce qu'on y gagnera. Puisqu'on n'est pas en nombre, il n'y a qu'à attendre. Après tout, ils ne veulent pas le bouffer sans boire. » « Non, convint Camus, mais c'est Bouton. Et dire que c'est pour me délivrer. Ah, malheur de malheur, il avait bien raison de nous dire de ne pas venir ce soir. Faut toujours écouter son chef. » « Mais où est-ce qu'est la crique? Personne n'a vu la crique? Tu ne sais pas s'il est pris ?»« Non, » reprit Camus, « je ne crois pas. J'ai pas vu qu'il l'ait emmené. Il a dû se défiler par les buissons du dessus. » Pendant que les Longeverns se lamentaient et que Camus, dans le désarroi du désastre, reconnaissait les avantages et la nécessité d'une forte discipline, un rappel de Perdrix les fit tressaillir. « C'est la crique !» dit Grand Gibus. C'était lui, en effet, qui, au moment de l'assaut, s'était glissé comme un renard entre les buissons et avait échappé aux Vellerans. Il venait du haut du communal et avait sûrement vu quelque chose, car il dit « Ah, mes amis, qu'est-ce qu'il lui passe à Lebrac? J'ai mal vu, mais ce que ça cognait dur !» Et il réquisitionna la ficelle et les épingles de la bande pour raffubler les habits du général qui certainement n'y couperait pas. Et en effet, une scène terrible se déroulait à la lisière. D'abord enveloppé, enroulé, emporté par le tourbillon des adversaires au point de n'y plus rien comprendre, le grand Lebrac s'était enfin reconnu, était revenu à lui. Et quand on voulut le traiter en vaincu et l'aborder, le stache à la main, il leur fit voir à ses peines cul ce qu'est qu'un Longeverne. De la tête, des pieds, des mains, des coudes, des genoux, des reins, des dents, cognant, ruant, sautant, giflant, Tapant, boxant, mordant, ils se débattaient terriblement, culbutant les uns, déchirant les autres, éborgnaient celui-ci, giflaient celui-là, en bosselaient un troisième, épant par-ci, étoque par-là, aisant sur un autre, tant et si bien que, laissant pour compte une demi-manche de blouse, ils se faisaient lâcher enfin par la meute ennemie et s'élançaient déjà vers Longeverne d'un élan irrésistible, quand un traître croque en jambe de Migue la Lune l'allongea net, le nez dans une taupinière, les bras en avant et la gueule ouverte. Il n'eut pas le temps de dire « ouf », avant qu'il eût songé seulement à se mettre sur les genoux, 12 gars se précipitaient de rechef sur lui. Et pif, et paf, et poum, et zop. Vous le saisissez par les 4 membres tandis qu'un autre le fouillait, lui confisquait son couteau et le bâillonnait de son propre mouchoir. L'Aztèque, dirigeant la manœuvre, arma Migue la Lune, sauveur de la situation, d'une verge de noisetier et lui recommanda, précaution inutile, d'y aller de ses 6 coups chaque fois que l'autre tenterait la moindre secousse. De fait, le Braque n'était pas homme à se tenir comme ça. Bientôt ses fesses furent bleues de coups de baguette, tant qu'à la fin il dut bien se tenir tranquille. « Ramasse, cochon !» disait Migue la Lune. « Ah, tu voulais me couper le zizi et les couilles ? Eh bien, si on te les coupait à toi maintenant !» Ils ne les lui coupèrent point, mais pas un bouton, pas une boutonnière, pas une agrafe, pas un cordon n'échappa à leur vigilance vengeresse, et le Braque, vaincu, dépouillé et fessé, fut rendu à la liberté dans le même état piteux que Migue la Lune 5 jours auparavant. Mais le Longeverre ne pleurnichait pas comme le Vellerand. Il avait une âme de chef, lui, et s'il écumait de rage intérieure, il semblait ne pas sentir la douleur physique. Aussi, dès que débâillonné, il n'hésitait pas à cracher à ses bourreaux, en invectives virulentes, son incoercible mépris et sa haine vivace. C'était un peu trop tôt, hélas, et la horde victorieuse, sûre de le tenir à sa merci, le lui fit bien voir en le bâtonnant de nouveau à la trique que veux-tu et en le bourrant de coups de pied. Alors le Braque, vaincu, gonflé de rage et de désespoir, ivre de haine et de désir de vengeance, partit enfin la face ravagée, fit quelques pas, puis se laissa choir derrière un petit buisson comme pour pleurer à son aise ou chercher quelques épines qui lui permissent de retenir son pantalon autour de ses reins. Une colère folle le dominait. Il tapa du pied, il serra les poings, il grinça des dents, il mordit la terre, puis comme si cet âpre baiser l'eût inspiré subitement, il s'arrêta net. Les cuivres du couchant baissaient dans les branches de minuit de la forêt, élargissant l'horizon, amplifiant les lignes, ennoblissant le paysage qu'un puissant souffle de vent vivifiait. Des chiens de garde, au loin, aboyaient au bout de leur chaîne. Un corbeau rappelait ses compagnons pour le coucher. Les Vellerans s'étaient tus, on n'entendait rien des Longevernes. Le Braque, dissimulé derrière son buisson, se déchaussa, c'était facile, mit ses bas en loques dans ses souliers veufs de lacets, retira son tricot et sa culotte, les roula ensemble autour de ses chaussures, mit ce rouleau dans sa blouse dont il fit ainsi un petit paquet noué aux 4 coins et ne garda sur lui que sa courte chemise dont les pans frissonnaient au vent. Alors, saisissant son petit baluchon d'une main, de l'autre troussant entre 2 doigts sa chemise, il se dressa d'un seul coup devant toute l'armée ennemie et traitant ses vainqueurs de vaches, de cochons, de salauds et de lâches, il leur montra son cul d'un index énergique puis se mit à fuir à toutes jambes dans le crépuscule tombant, poursuivi par les imprécations des Vellerans, au milieu d'une grêle de cailloux qui bourdonnait à ses oreilles.